Lo que se produce al estornudar o toser que cae en superficies puede transferirse a otras personas. El virus puede permanecer vivo hasta 9 días después, así que es necesaria la limpieza frecuente de las superficies, con lejía, cloro o alcohol. Mantenga la calma. Manténgase informado. Lo mejor que puede hacer para reducir su riesgo de contagio es lavarse bien las manos frecuentemente. Si es posible, evite reuniones. Estornude o tosa poniendo un brazo enfrente de la cara o un pañuelo de papel que debe tirar a la basura inmediatamente. Evite tocarse la cara. Limpie frecuentemente superficies que se tocan con habitualidad, como los pomos de las puertas, teléfonos o computadoras. Prepárense para esta situación cambiante. Llame a su médico si tiene síntomas de COVID-19. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. You've been listening to Right On Radio on KFAI 90.3 FM in Minneapolis and streaming live on the web at kfai.org. We'd like to thank our listeners and guests who make this show possible, and especially call out to Peter Guy tonight, who did a great interview with us. You can find more news and info about Right On Radio at kfai.org/program/Right On Radio/. Please listen to our recent episodes. Now stay tuned for Bonjour, Minnesota. And soon Frederick will be walking in the door. Fresh Air Community Radio is KFAI. 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Good evening, bonsoir. This is Freddy from Bonjour Minnesota. And tonight, because of the coronavirus, we pre-recorded a special show. It's dedicated to dreams or rêves. We will be back in the studio as soon as we can. On y va. We're going to start with Arthur Ashe with Je rêve de toi, I'm dreaming of you, from his album Piano Solo. Then it's going to be Alain Bachung with Madame Rêve, Madame is Dreams. Cette chanson est spécialement dédicacée pour Dana. And then Marc Lavoine with Les Rêves Américains, The American Dreams. Voix de l'amour. Cylindre si long qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de têtes qui la puissent. Vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Madame rêve d'apesanteur et des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, des foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel, la dame rêve, la dame rêve. Je fais des rêves américains. France, au bout du spleen. Je fais des rêves américains, je suis parti, je t'y rejoins. Le Pacifique, Malibu, de toi, je garderai. Was Arthur Ashe with Je rêve de toi, Alain Bashung with Madame Rêve, and Marc Lavoine with Les rêves américains. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org. Or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Pierre Raspat avec Les rêves sont en nous. The dreams are within us. Then it's going to be Michel Berger with Laissez passer les rêves. Let the dreams come through. Featuring France Gall. And we're going to listen to Ben, l'oncle Soul, with A coup de rêve. 3 weeks ago, while many radio stations were postponing or canceling their spring pledge drives due to the COVID-19 crisis, KFAI decided to go ahead with ours. We acknowledge the pain being experienced in our communities and the potential awkwardness of our ask. But we also know many of you depend on this volunteer-driven station for your daily fix of music, arts, and public affairs, and we can't provide that if we can't pay our bills. Influenced by current events, we radically downsized our expectations. Even the reduced goal of $40,000 posted on the website was fanciful. We never expected to reach that. Nonetheless, our total now nudges that $40,000 figure, a humbling affirmation of the importance our listeners place on Fresh Air Radio. While many businesses have been forced to shut down, KFAI continues to broadcast 24 hours a day, fueled by a powerful combination of volunteer effort and listener member support. We thank those 500 contributors for supporting KFAI, especially at a time like this. Your message was received loud and clear. Un peu de heureux. devant l'écran d'une télé, dans un monde qui nous agresse, qui peut vous mettre en pièces, solitaire dans un trois pièces, tout ce qu'il nous reste, c'est d'aimer les étoiles. It was Pierre Raspat with Les Rêves sont en nous, Michel Berger with Laissez passer les rêves featuring France Gall, and Ben L'Oncle Soul with À coup de rêve. Now we're going to listen to Black O avec Accroché à mes rêves, Hanging to my dreams. Then Corneille

à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, oh, oh, si tu descends, salue le courage de nos femmes, salue la grandeur de leur âme, et tu dirais à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin. Oh, oh, tu diras à nos pères qu'on attend, qu'ils montrent enfin leur grand drapeau blanc, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. With Accroché à mes rêves, then Corneille with Marchand de rêves, and Julien Clerc with Ça commence comme un rêve d'enfant.

J'ai rêvé une seconde d'une autre vie dans ce monde. Tu rêves, tu rêves, tu rêves. Je rêve trop. Tu... Je n'ai plus d'envie, perdu dans la nuit. Tu rêves, tu rêves, tu rêves. Je crève trop. Et chaque soir c'est la même chose. Tu t'adonnes à ces mondes et merveilles. Parfois j'attends et parfois j'ose, mais je ne trouve jamais le sommeil. Je ne reconnais plus la réalité. J'ai disparu en été. J'essaie de vaincre ma timidité. J'ai survécu en été. En soufflant dans Gérald de Palma with Dans mes rêves, Raphaël Dervé with Rêve, and Jean-Jacques Goldman with Au bout de mes rêves. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the francophone, francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Il était une fois avec J'ai encore rêvé d'elle, I dream of her again. Then Johnny Hallyday with Quand un homme perd ses rêves, and it's live from 1966 at the Olympia. When a man loses his dreams, but really it's a cover based of When a Man Loves a Woman from Percy Sledge, but the lyrics are very different. Then Françoise Hardy with Non, ce n'est pas un rêve. No, it is not a dream. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur, je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. moi. seule pourrait m'éveiller. Je me dis que ça ne se peut pas, que c'est un rêve malheureux. D'autres vont venir, tu sais que c'est vrai. D'autres souvenirs viendront les effacer. Il était une fois with J'ai encore rêvé d'elle. Then Johnny Hallyday with Quand un homme perd ses rêves. And Françoise Hardy avec Non, ce n'est pas un rêve. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Helping prevent the spread of coronavirus may sound complicated, but it doesn't have to be. Remember, you can take a few key actions. Wash your hands often using soap and water. Stay home if you are sick. If you have a cough, cover your mouth with your arm or elbow and follow the advice of qualified healthcare professionals. The Minnesota Department of Health has created a hotline to answer any questions you may have. Call 651-201-3920. Interpreters and translation services are available. For more information, visit health.mn.gov. Now we're going to listen to POM with Ceux qui rêvent, Those Who Dream. Then it's going to be Christophe Maé with L'attrape rêve, The Dream Catcher. And Mickey 3D avec Rallonge tes rêves, Extend Your Dreams. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moins je dors et plus je pense et plus je pense. J'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance. Et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance. La vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi, j'ai des insomnies. Je ne dors pas. Minuit est là.

t'imaginais pas comme ça. La cinquantaine quand t'étais le roi du parking. T'avais la plus belle mobilette. Toutes les filles te montaient la tête pour que tu les emmènes loin. Rendez-vous au contrôle technique. Il était une fois l'Amérique. C'est la traversée de l'Atlantique qui s'arrête au périphérique. Là-bas, au bout de tes rêves. Au bout de tes rêves. Au bout de tes rêves. Au bout de tes rêves. Tu l'imaginais pas comme ça. La soixantaine quand t'étais petit. C'est la vie. Adieu 1963, Martin Luther King n'est plus là. Au fond de tes rêves, les yeux fixés sur la corniche, t'essayes de croire que tu t'en fiches. C'est pas 1968, mais y'a des tags sur des affiches. Là-bas, rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. Was Pom with Ceux qui rêvent, Christophe Maé with L'attrape-rêve, and Mickey 3D with Rallonge tes rêves. Now we're going to listen to Les Nubiens avec Veuillez veiller sur vos rêves. Please look after your dreams. Then it's going to be Nancy Martinez with La maîtresse de tes rêves, You Dreams Mistress, and Paris Combo avec Je rêve encore, I Still Dream. Les Nubiens, Nubiens. Bonsai. Bonsai. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Je cherche la profondeur d'une phrase déversant. Des yeux disent une rupture avec l'océan. Encore de l'encre, au crépuscule, des yeux sont cernés. Laisse voguer le regard où l'imagination le permet. Mesure la misère, ma sœur. L'homme a aboli le monde, a nommé le vent. Sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves. Tu cherches la profondeur d'une phrase déversant des yeux diseurs d'une rupture avec l'océan, encore de l'encre or au crépuscule, tes vœux sont cernés, laisse voguer le regard où l'imagination le permet, mesure la misère. L'homme a aboli le monde, a nommé le vent, veut compter les étoiles et faire de nous des clones. Les cieux se copient, c'est face à la commission du son sur ma feuille, la lune a un soleil caché dans l'œil. Les armes parlent, les âmes partent, les larmes perlent. Le monde est fou, le monde est fou. Le mourant me défaire, l'affaire, le vide autour de moi. Un soir j'ai même entendu une flamme expirer comme un bijou de cire fondue. Combien d'obus, combien d'obus tombés du ciel, tel est gris qui croyait cendre. On a perdu l'essentiel dans vos cieux. Il pleut, virgule. Vous êtes prié de croire en vous. J'habite Buvard, de l'encrier ou un point. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Beauté attend. Toujours que nos yeux viennent à peine. Pourquoi les prières se posent-elles? Si nos mains veulent se joindre, l'histoire nous parle de guerre. Elle nous parle guerre d'amour. Les hommes ont tous un cœur. Mais le sang coule toujours. L'océan a goût amer. Parce que les vagues veulent fuir. Et sans mentir, je cherche ce que le silence veut dire. Ce que le silence. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Veuillez veiller sur vos rêves. Sur vos rêves. Sur vos rêves. Do not let your dreams fall asleep. Let your dreams fall asleep. Do not let your dreams fall asleep. Do not let your dreams fall asleep. Do not let your dreams fall asleep. Oh. souvenir, tes moindres rêves. Je serai toujours auprès de toi jusqu'à la fin des temps. Je serai la femme quand tu as froid, qui t'alimentera de son amour, qui te surprendra jour après jour. Voilà ce que j'ai pour mon amour, viens avec moi dans mon sommeil, je t'oublie. Blues, Les Nubians with Veuillez veiller sur vos rêves, then Nancy Martinez with La maîtresse de tes rêves, and Paris Combo with Je rêve encore. 3 weeks ago, we were unsure about proceeding with a member drive and considered if we should postpone it. Would things be normal anytime soon? You, our listener members and volunteers, have reminded us that there is no normal and that you value KFAI for exactly that reason. We don't broadcast normal news. We don't have normal playlists. We bring together music, arts, and information in a way that doesn't fit established norms. You've told us that this is what you value about us, and we're humbled by your outpouring of support. You've told us that you appreciate what we offer and you want it in your world, no matter what that world looks like over the next few months. From KFAI Fresh Air Radio, thank you. Now we're going to listen to Les Pirouettes with Rêver de toi, Dreaming of You. Then it's going to be Marion with Rêve virtuel, Virtual Dreams, and Soprano with Rêve et Illusion, Dreams and Illusions.

Blessé par mes illusions, charge vide. Mon espoir n'a plus de munitions. On rêve. Les Pirouettes with Rêver de toi, Marion with Rêve Virtuel, and Soprano with Rêve et Illusion. Now we're going to listen to Taj with Dans tes rêves, In Your Dreams, featuring Lisa Pariente. Then Vita with Un peu de rêve, featuring Claudio Capeo, A Little Bit of Dreams. And Zaz with En rêve, In Dreams. Ah, in English we'd say like for pretend. On se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix, ce monde n'a plus d'âme. J'ai dit ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Tout à donner. Demande-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. choix, c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi des plantes, c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Non, non, non. J'ai dit ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus trente. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. Fais semblant, le cœur me saigne. On est tous aimés. Et on me les mains, j'ai tout à donner. Et rendez-moi un peu de rêve. J'ai plus trente. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tous mes aides pour toucher nos rêves. Je charge la paix. Mais qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tout miser pour toucher nos rêves. Hey, hey, hey. Tendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. Thank you. It was Doge with Dans tes rêves featuring Lisa Pariente, then Vita with Un peu de rêve featuring Claudio Capeo, and it's a live version, and Zaz with En rêve. Now we're going to listen to Chaim with Rêve d'enfant, Children's Dreams, then it's going to be Le Vent du Nord, our friends from Canada, with Petit rêve 3, and it's an instrumental, and then we're going to finish with Claude Debussy with Rêverie. C'est dans l'amertume que ma journée s'achève. Seul dans mon lit je t'appelle, encore le répondeur et ta voix qui me rappelle que c'est mon seul moyen de te dire je t'aime. Oh, j'ai l'impression que l'on n'existe plus. J'ai peur que tu ne te souviennes plus de mon nom, de ma voix, nos envies tous les deux, de notre histoire. Je sais que jamais je n'aurais cru pouvoir aimer autant. J'ai choisi de vivre mon rêve d'enfant. Jamais je n'aurais cru pouvoir t'aimer autant. Mais j'ai choisi de vivre mon rêve d'enfant. Mais j'espère simplement que tu comprends. Si tu savais ce que je vis tous les jours, toutes les nuits, déchiré par un vent de paix. Je sais que je t'ai fait mal, mais j'ai mal aussi. J'ai dû tourner le dos à l'homme que j'aime. Oh, je voudrais tant te garder que pour moi. Croire encore te serrer contre moi, c'est égoïste, je le sais, je ne peux m'empêcher de le penser. Je sais que jamais je n'aurais cru pouvoir aimer autant. J'ai choisi de vivre mon rêve d'enfant. Jamais je n'aurais cru pouvoir t'aimer autant. Mais j'ai choisi de vivre mon rêve d'enfant. Mais j'espère simplement que tu comprends. Thank you.